Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Tour du Monde en 80 jours par Jules Verne. Chapitre 14. Enregistré par Alex Forster. alexforster.me.uk. Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 14. Dans lequel Phileas Fogg descend toute l'admirable vallée du Gange sans même songer à la voir. Le hardi enlèvement avait réussi. Une heure après, Passepartout riait encore de son succès. Sir Francis Cromarty avait serré la main de l'intrépide garçon. Son maître lui avait dit « bien », ce qui, dans la bouche de ce gentleman, équivalait à une haute approbation. À quoi Passepartout avait répondu que tout l'honneur de l'affaire appartenait à son maître. Pour lui, il n'avait eu qu'une idée, drôle, et il riait en songeant que, pendant quelques instants, lui, Passepartout, ancien gymnaste, ex-sergent de pompiers, avait été le veuf d'une charmante femme, un vieux rajah embaumé. Quant à la jeune indienne, elle n'avait pas eu conscience de ce qui s'était passé. Enveloppée dans les couvertures de voyage, elle reposait sur l'un des cacolets. Cependant, l'éléphant, guidé avec une extrême sûreté par le Parsi, courait rapidement dans la forêt encore obscure. Une heure après avoir quitté la pagode de Pillaji, il se lançait à travers une immense plaine. À cette heure, on fit halte. La jeune femme était toujours dans une prostration complète. La guide lui fit boire quelques gorgées d'eau et de brandy, mais cette influence stupéfiante qui l'accablait devait se prolonger quelque temps encore. Sir Francis Cromarty, qui connaissait les effets de l'ivresse produite par l'inhalation des vapeurs du chanvre, n'avait aucune inquiétude sur son compte. Mais si le rétablissement de la jeune indienne ne fit pas question dans l'esprit du brigadier général, celui-ci se montrait moins rassuré pour l'avenir. Il n'hésita pas à dire à Phileas Fogg que si Mrs. Aoud restait dans l'Inde, elle retomberait inévitablement entre les mains de ses bourreaux. Ces énergumènes se tenaient dans toute la péninsule et certainement, malgré la police anglaise, ils sauraient reprendre leurs victimes, fût-ce à Madras, à Bombay, à Calcutta. Et Sir Francis Cromarty citait à l'appui de ce dire un fait de même nature qui s'était passé récemment. À son avis, la jeune femme ne serait véritablement en sûreté qu'après avoir quitté l'Inde. Phileas Fogg répondit qu'il tiendrait compte de ses observations et qu'il aviserait. Vers 10 heures, le guide annonçait la station d'Allahabad. Là, reprenait la voie interrompue du chemin de fer, dont les trains franchissent, en moins d'un jour et d'une nuit, la distance qui sépare Allahabad de Calcutta. Phileas Fogg devait donc arriver à temps pour reprendre un paquebot qui ne partait que le lendemain seulement, 25 octobre, à midi, pour Hong Kong. La jeune femme fut déposée dans une chambre de la gare. Passepartout fut chargé d'aller acheter pour elle divers objets de toilette, robes, châles, fourrures, etc., ce qu'il trouverait. Son maître lui ouvrait un crédit illimité. Passepartout partit aussitôt et courut les rues de la ville. Allahabad, c'est la cité de Dieu, l'une des plus vénérées de l'Inde, en raison de ce qu'elle est bâtie au confluent de deux fleuves sacrés, le Gange et le Jumna, dont les eaux attirent les pèlerins de toute la péninsule. On sait d'ailleurs que, suivant les légendes Ramayana, le Gange prend sa source dans le ciel, d'où, grâce à Brahma, il descend sur la terre. Tout en faisant ses emplettes, Passepartout eut bientôt vu la ville, autrefois défendue par un fort magnifique qui est devenu une prison d'État. Plus de commerce, plus d'industrie dans cette cité, jadis industrielle et commerçante. Passepartout, qui cherchait vainement un magasin de nouveautés, comme s'il eût été dans Regent Street à quelques pas de Farmer et Compagnie, ne trouva que chez un revendeur, vieux, juif, difficultueux, des objets dont il avait besoin, une robe en étoffe écossaise, un vaste manteau et une magnifique pelisse en peau de loutre qu'il n'hésita pas à payer 75 livres, c'est-à-dire 1875 francs. Puis, toute triomphante, il retourna à la gare. Mrs. Howder commençait à revenir à elle. Cette influence à laquelle les prêtres de Pillaji l'avaient soumise se dissipait peu à peu, et ses beaux yeux reprenaient toute leur douceur indienne. Lorsque le roi poète Usaf Udoal célèbre les charmes de la reine d'Amenagra, il s'exprime ainsi. Sa luisante chevelure, régulièrement divisée en deux parts, encadre les contours harmonieux de ses joues délicates et blanches, brillantes de poli et de fraîcheur. Ses sourcils d'ébène ont la forme et la puissance de l'arc de Kama, dieu d'Amor, et sous les longs cils soyeux, dont la pupille noire de ses grands yeux limpides nage comme dans les lacs sacrés de l'Himalaya les reflets les plus purs de la lumière céleste. Fins, égales et blanches, ses dents resplendissent entre ses lèvres souriantes comme des grottes de rosée dans le sein mi-clos d'une fleur de grenadier. Ses oreilles mignons aux corbes asymétriques, ses mains vermeilleuses, ses petits pieds bombés et tendres comme les bourgeons de lotus brillent de l'éclat des plus belles perles de Ceylan, des plus beaux diamants de Golconde. Sa mince et souple ceinture qu'une main suffit à enserrer rehausse l'élégante cambrure de ses reins arrondis et la richesse de son buste où la jeunesse en fleurs étale ses plus parfaits trésors. Et, sous les plis soyeux de sa tunique, elle semble avoir été modelée en argent pur de la main divine de Vik Vakamar, l'éternel statuaire. Mais sans toute cette amplification, il suffit de dire que Mrs. Howder, la veuve du Raja du Bundelkund, était une charmante femme dans toute l'acception européenne du mot. Elle parlait l'anglais avec une grande pureté, et le guide n'avait point exagéré en affirmant que cette jeune Parsie avait été transformée par l'éducation. Cependant, le train allait quitter la station d'Allahabad. Le Parsi attendait. Monsieur Fogg lui régla son salaire en prix convenu, sans le dépasser d'un farthing. Ceci étonna un peu Passepartout, qui savait tout ce que son maître devait au dévouement du guide. Le Parsi avait, en effet, risqué volontairement sa vie dans l'affaire de Pillaji. Et si, plus tard, les Hindous l'apprenaient, il échapperait difficilement à leur vengeance. Restait aussi la question de Kiuni. Que ferait-on d'un éléphant acheté si cher? Mais Phileas Fogg avait déjà pris une résolution à cet égard. « Parsi, dit-il au guide, tu as été serviable et dévoué. J'ai payé ton service, mais non ton dévouement. Veux-tu cet éléphant? Il est à toi. » Les yeux du guide brillèrent. « C'est une fortune que votre honneur me donne, » s'écria-t-il. « Accepte, guide, » répondit Monsieur Fogg, « et c'est moi qui sera encore ton débiteur. »« À la bonne heure !» s'écria Passepartout. « Prends, ami, Kiuni est un brave et courageux animal. » Et, allant à la bête, il lui présente quelques morceaux de sucre, disant « Tiens, Kiuni, tiens, tiens !» L'éléphant fit entendre quelques grognements de satisfaction. Puis, prenant Passepartout par la ceinture et l'enroulant de sa trompe, il l'enleva jusqu'à l'auteur de sa tête. Passepartout, nullement effrayé, fit une bonne caresse à l'animal, qui le replaça doucement à terre, et, à la poignée de trompe de l'honnête Kiuni, répondit une vigoureuse poignée de main de l'honnête garçon. Quelques instants après, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty et Passepartout, installés dans un confortable wagon dont Mrs. Howder occupait la meilleure place, couraient à toute vapeur vers Benares. 80 000 au plus séparent cette ville de l'Allahabad, et ils furent franchis en 2 heures. Pendant ce trajet, la jeune femme revint complètement à elle. Les vapeurs assoupissantes du hang se dissipèrent. Quel fut son étonnement de se trouver sur le railway dans ce compartiment recouvert de vêtements européens au milieu de voyageurs qui lui étaient absolument inconnus. Tout d'abord, ses compagnons lui prodiguèrent le soin et la ranimèrent avec quelques gouttes de liqueur. Puis le brigadier général lui raconta son histoire. Il insista sur le dévouement de Phileas Fogg, qui n'avait pas hésité à jouer sa vie pour la sauver, et sur le dénouement de l'aventure dû à l'audacieuse imagination de Passepartout. Monsieur Fogg laissa dire sans prononcer une parole. Passepartout, tout honteux, répétait que ça n'en valait pas la peine. Madame Aouda remercia ses saveurs avec effusion, par ses larmes plus que par ses paroles. Ses beaux yeux, mieux que ses lèvres, furent les interprètes de sa reconnaissance. Puis, sa pensée la reportant aux scènes du Suti, ses regards revoyant cette terre indienne où tant de dangers l'attendaient encore, elle fut prise d'un frisson de terreur. Phileas Fogg comprit ce qu'il se passait dans l'esprit de Madame Aouda, et pour la rassurer, il lui offrit, très froidement d'ailleurs, de la conduire à Hong Kong, où elle demeurerait jusqu'à ce que cette affaire fût assoupie. Madame Aouda accepta l'offre avec reconnaissance. Précisément à Hong Kong résidait un de ses parents, parsi comme elle, et l'un des principaux négociants de cette vie, qui est absolument anglaise tout en occupant un point de la côte chinoise. À midi et demi, le train s'arrêtait à la station de Benares. Les légendes brahmaniques affirment que cette vie occupe l'emplacement de l'ancienne Kasi, qui était autrefois suspendue dans l'espace entre le zénith et le nadir, comme la tombe de Mahomet. Mais à cette époque plus réaliste, Benares, atteint de l'Inde au dire des orientalistes, reposait tout prosaïquement sur le sol, et Passepartout put un instant entrevoir ses maisons de briques, ses huttes en claironnage, qui lui donnaient un aspect absolument désolé, sans aucune couleur locale. C'était là que devait s'arrêter Sir Francis Cromarty. Les troupes qu'il rejoignait grimpaient à quelques milles au nord de la ville. Le brigadier général fit donc ses adieux à Phileas Fogg, lui souhaitant tout le succès possible, et exprimant le vœu qu'il recommençât ce voyage d'une façon moins originale, mais plus profitable. Monsieur Fogg pressa légèrement les doigts de son compagnon. Les compliments de Madame Aouda furent plus affectueux. Jamais elle n'oublierait ce qu'elle devait à Sir Francis Cromarty. Quant à Passepartout, il fut honoré d'une vraie poignée de main de la part du brigadier général. Tout ému, il se demanda où et quand il pourrait bien se dévouer pour lui. Puis on se sépara. À partir de Benares, la voie ferrée suivait en partie la vallée du Gange. À travers les vitres du wagon, par un temps assez clair, apparaissait le paysage varié du Béar, puis des montagnes couvertes de verdure, les champs d'orge, de maïs et de froment, des rios et des étangs peuplés d'alligators verdâtres, des villages bien entretenus, des forêts encore verdoyantes. Quelques éléphants des zébus à grosses bosses venaient se baigner dans les eaux du fleuve sacré, et aussi, malgré la saison avancée et la température déjà froide, des bandes d'hindous de deux sexes qui accomplissaient pieusement leur sainte ablution. Ces fidèles, ennemis acharnés du bouddhisme, sont sectateurs fervents de la religion brahmanique qui s'incarne en ces trois personnes, Vishnu, la divinité solaire, Shiva, la personnification divine des forces naturelles, et Brahma, le maître suprême des prêtres et des législateurs. Mais de quel œil Brahma, Shiva et Vishnu devaient-ils considérer cette Inde maintenant britannisée lorsque quelques steamboats passaient en hennissant et troublaient les eaux consacrées du Gange, effarouchant les mouettes qui volaient à la surface, les tortues qui pullulaient sur ses bords et les dévous étendus au long de ses rives? Tout ce panorama défila comme un éclair, et souvent un nuage de vapeur blanche en cacha les détails. À peine les voyageurs purent-ils entrevoir le fort de Kunar, à 20 000 au sud-est de Benares, ancienne forteresse des Rajars du Béar Gazpour et ses importantes fabriques d'eau de rose, le tombeau de Lord Cornwallis qui s'élève sur la rive gauche du Gange, la ville fortifiée de Buxar, Patna, grande cité industrielle et commerçante, où se tient le principal marché d'opium de l'Inde, Mangir, vie plus qu'européenne, anglaise comme Manchester ou Birmingham, renommée pour ses fonderies de fer, ses fabriques de taillanderie et d'armes blanches, et dont les hautes cheminées encressaient d'une fumée noire le ciel de Brahma. Un véritable coup de poing dans le pays du rêve. Puis la nuit vint, et au milieu des hurlements, des tirs, des ours, des loups qui fuyaient devant la locomotive, le train passa à toute vitesse, et on n'aperçut plus rien des merveilles de Bengale. Ni Golgonde, ni Cour en ruine, ni Murshidabad, qui fut autrefois capitale, ni Bourdouin, ni Hougli, ni Chandernagore, ce point français du territoire indien sur lequel Passepartout eût été fier de voir flotter le drapeau de sa patrie. Enfin, à 7 heures du matin, Calcutta était atteinte. Le paquebot, en partance pour Hong Kong, ne levait l'ancre qu'à midi. Phileas Fogg avait donc 5 heures devant lui. D'après son itinéraire, ce gentleman devait arriver dans la capitale des Indes le 25 octobre, 23 jours après avoir quitté Londres, et il y arrivait au jour fixé. Il n'avait donc ni retard ni avance. Malheureusement, les 2 jours gagnés par lui entre Londres et Bombay avaient été perdus, on sait comment, dans cette traversée de la péninsule indienne. Mais il est à supposer que Phileas Fogg ne les regrettait pas. Fin de chapitre 14. Enregistré par alexfoster.me.uk à Nottingham, Angleterre, en janvier 2007.